بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخذنا أمس الموضع الأول من هذه المواضع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في السيرة المتعلقة بالتوحيد. Hier, on est rentré dans le premier point. Cheikh l'Islam, il a cité 6 points de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam liés au tawhid. Et hier, on a commencé le premier point. C'est quoi le premier point, Indaman? أحسنت هذا الموضع الأول بداية الوحي، والشاهد أن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالإنذار من الشرك والدعوة إلى التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأصنام الشرك، أي mets en garde contre le shirk. Ce point de la biographie, il te montre, ayyuha al-muslim, anna la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a commencé bihada. Mettre en garde contre shirk. Mettre en garde ceux qui adorent autre qu'Allah. Et leur montrer anna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda li'ibadihi al-kufr, wa la yarda li'ibadihi al-shirk, ila akhri. Wa sayati al-mazid. Sayati al-mazid, insha'Allah ta'ala. Qabla dhalik, naqra alaykum kalam fi hadhihi al-risala. براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار، حوار مع الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري هداه الله. ما ذكرناه أمس أنا بعض الناس يفون في جبل حراء، أي تتبع الآثار. حتى الكفار الآن كثير منهم يفون هذا، يفون دي غوشيرش الآخرة دي زانسيان، يتخوف دي زانسيان مونيمون دي زانسيان كونستركسيون، والعياذ بالله كثير منها فيها الشرك. يتخوف دي ستاتو، يتخوف il recherche des traces. L'avar, tu peux traduire par des traces. Fidinina, il a asla les hada. Tu suis hakada, tu cherches. Cheikh Rabi Havidahullah, radda ala hada al-rajul Abdelaziz Abdelfattah al-Qari, aslahahullah. Hada al-rajul yad'u, bikulli saraha ila. Il cite des choses bila adilla, sans argument. Cheikh Rabi Havidahullah, radda alayh cette risala. فقال في بداية الرسالة نحن نقرأ بعض المواضع فقط surtout qu'il y a avec ce qu'on a cité hier نحن جبل حراء إلى آخره، لكن قال في البداية c'est مهم هذا، قال الشيخ ربيع حفظه الله وهذا فيما يبدو لي أن من بواعثته أو بواعثه أي ce qu'il a poussé هذا أي ce docteur، قال وهذا فيما يبدو لي أن من بواعثه حب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح كثير من الناس مثلا يبغوا يذهبوا الى الغوت وكل بروفيت صلى الله عليه وسلم تو سا الباعث لهم سكي لي بوس هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم انه لام النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا الحب ايها المسلم تدوا فيغ اتونسيون كو هذا الحب الى مقيد بالشرع، هذا الحب يدوا يتليميتي افيك القران والسنه. قال الشيخ ربيع حفظه الله قال لكن هذا الحب جر القاري ومن على مذهبه في التعلق بالآثار إلى ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم cet amour qu'ils ont eu ils n'ont pas limité avec le Coran et la Sunna, ça les a poussés à faire des choses qu'Allah et son prophète ils détestent. فأنت تم لابد الله سبحانه وتعالى يتم pour qu'Allah يتم il y a des choses ومن أعظمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما inventer des choses là tu vas tomber في البدع، tu vas innover, tu vas inventer des choses, tu vas tomber في الظلال. والله سبحانه وتعالى الرسول يدتست الظلال. الإنسان يفعل attention au غلو. كما الشيخ ربيع cité des adilla ila akhire. ثم قال فالذي يحب الله ويخشاه لابد أن ينضبط بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته في عبادته لله المعبر عن حبه وخشيته لله. هذا cet amour intactant vers le prophète صلى الله عليه وسلم, tu le limites, tu le qayyides bil kitab wa sunnah. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, fais-le tant que tu peux. Ce qui t'a interdit, écarte-toi. Amma t'aimes une chose et ça te pousse à faire des ma'asi, à te laisser des obligations, fa hadi al mahabba fi nadab. Cette mahabba, elle est bâtie sur l'ignorance. Voilà ton fait. Allah, elle fait plus de mal à la personne que du bien. Mais les gens, maintenant, ils sont tombés sur le coup, mais ça va être le mahabba. Il aime maintenant un pieu, il aime une personne salih, il l'adore. C'est quoi qui l'a poussé? Son ignorance. Al-Shaytan, il lui a fait croire kada kada, et cet amour hada qui n'a pas de limite, il adore le mort et il tombe le kufr. Thumma yarud ala al-qari hada. Huwa ila taban ila des shubuhat. Ghalib ma yastadil bih, c'est daif. Il cite des qissas, fulan il a fait, fulan il a été. Kathir mina Cheikh Rabi'i lui montre, hafidallah, annahu c'est daif. Ça te montre l'importance dans les textes de prendre le sahih. Il y en a un daif. La personne, si se base sur hada, il peut s'égarer. Wal'ayadu billah. Da'im al-muslim, il distingue le sahih du pas sahih. Dès qu'il est sur ce sahih, nous on parle de sunnah, amma al-Qur'an il est sahih, bittawatur, ma'ruf. Al-abud l'insan yantabih. Kam min al-nas dallu bihada al-sabu. Imma al-hadith il est da'if, imma le hadith il est sahih, ou le athar, al-athar il est sahih, lakin il le comprend d'une façon par rapport à sa hawa. Si le hadith il est sahih, il comprend le hadith comme ils l'ont compris le salaf. Ton ra'i, tu le mets de côté. Et dès qu'on dit tu le mets de côté, tu ne le fais pas passer avant le texte. Enfin, si tu as compris que les sahaba, ils ont compris kada, les savants de l'islam, ils t'ont expliqué kada, al-an, suis. Amma, tu délaisses tout ça. Et tu as une compréhension à part. Fa abadan. Fa dhakara umur, fa radda alayhi al-Sheikh Rabi, hafidhahullah bi umur, wa minha, qal Sheikh Rabi, hafidhahullah, tabata bil isnad al-sahih. Min hadith shu'bah. عن سليمان التيمي عن المعرور كانه المعرور هكذا ابن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر رضي الله عنه. Ça c'est un argument que Cheikh Rabi' il va se servir pour contrer les arguments de هذا الرجل. قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداء ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر il a fait salat dans un endroit. Ils étaient dans un endroit avec Omar. فعمر بن الخطاب il a vu que les gens ils venaient tous à un endroit et ils faisaient salat. Un endroit spécifique et ils faisaient salat. فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا بيعا أي l'endroit que les juifs ils adorent, يعني leur lieu d'adoration, leur endroit d'adoration. قال فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. عمر رضي الله عنه il a pas été d'accord avec ce qu'il faisait هؤلاء. عمر رضي الله عنه c'est عالم من علماء الصحابة من الخلفاء الراشدين. فهو il a pas accepté هذا. Enfin, il leur a dit si quelqu'un a une salat, maintenant le asr il tombe au moment de dans cet endroit, fais salat. Que ça soit cet endroit ou autre. Amma là, dès qu'on arrive à cet endroit, on doit faire salat parce que le prophète il a fait salat. Ça c'est min asbab al-halak. Min asbab al-halak, c'est une chose qui va pousser à faire du rouleau dans l'endroit. Et le prophète sallam il nous a jamais ordonné de faire salat dans cet endroit. Le prophète sallam maintenant, il a fait dhuhr dans cet endroit-là. Léana Nabi, il était dans cet endroit. Anta, si tu dois faire dehors dans l'endroit où tu es. On ne doit pas se déplacer, maintenant. Le prophète, il a fait l'endroit entre Mecca et Medina, dans cet endroit, il a fait Gada. On y va tous. Abadan. Ça serait un khair, Omar, il l'aurait fait. Ça serait Mashrou, Omar, il n'aurait pas dit, ne faites pas Hada. Fal yamdi. Abadan. Qala, hafidahullah, falamma kana Nabi, lam yaqsud. تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله. هذا قد يكون قائل مي نو دوا سويف لو بروفيت عليه الصلاة والسلام فأنا جو فيكم لو بروفيت صلى الله عليه وسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم إلا با خصص سو مكان أبدا. لأن مثلا أنت للظهر تيو يمن La sunna pour toi, c'est de faire dhuhr à l'heure. Awalan. La sunna kadhalik pour toi, c'est de faire dhuhr en jama'a. Le plus proche masjid. Amma là, tu délaisses tout ça et tu voyages. Il a fait ça, c'est bab al-bida. Ça, c'est bab al-bida. Fali hada, ankara Umar. Hada, ma yata'allak, bis sala. Thumma qal, Cheikh Rabi'. Wa min huna. نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع المواقع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيد فهمه الصحابة الحاضرون كذلك les compagnons qui étaient présents avec Omar ils étaient tous d'accord avec Omar ils seraient trompés Omar الصحابي il va jamais se taire il se taira jamais il aurait dit là j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire كذا j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire كذا لكن tout le monde sait-tu Omar il a parlé c'est qu'ils étaient tous d'accord هذا إجماع سكوتي Fil usul, ils appellent ça ijma' as-sukuti. Aïe, Omar, il a parlé, les autres sahaba, ils se sont tus. Fa yadul, anna, ils étaient tous d'accord avec Omar. Fa la'allahu, ceux qui ont fait ça, c'était pas des compagnons du prophète, alayhi salam, ou quelqu'un qui n'avait pas compris le mas'ala, ou min hada al-bab. Qala, wa yadkhul fi hada al-nahi at-tatabbu' lil-amakin allati salla fiha rasulullah, sallallahu alayhi salam, ittifaqan la qasdan lis-salat. Fiha, wa minha hadhihi al-mawaqi'. Hada, c'est muhim. Ma anta, mathalan, t'es dans cet endroit. On va dire que c'est un endroit entre le Mecca et le Médine. T'arrives à cet endroit, c'est l'heure de dhuhr. T'es avec des frères, vous êtes en voyage. Comme vous faites cela. Lakin, est-ce que l'intention c'est de faire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans cet endroit? Là, nous on fait salat en groupe, les anna l'heure elle est venue et on doit faire salat en groupe. Amma vouloir, la niya, c'est de se déplacer, faire que dans cet endroit, c'est ça, bab al-bida. C'est ça l'innovation fait d'in. Aïe, il invente une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a jamais ordonné de faire. Et les compagnons ne l'ont jamais fait. Thumma dhakara anna ibn Umar, le fils de Umar, radiyallahu anhu, dhakara annahu ibn Umar kana yajtahid, yattabi' les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Al-qari hada, yajtadir bi hada. فقال الشيخ ربيع وابن عمر مجتهد له أجر اجتهاده وإن كان أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران والصواب مع كبار الصحابة وسائرهم وهجهم هو الموافق لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أسلفناها ابن عمر إلى اجتهد الصواب إلى avec son père عمر avec أبو بكر avec عثمان avec علي كبار الصحابة ils ont jamais fait هذا فابن عمر مثلا s'il se déplaçait de المدينة إلى مكة Maintenant, il faisait salat ou que le prophète sallam il faisait salat. Ijtihad min. Wala yu'lam anna ghayrahu min as-sahaba fa'ala dhalik. On connaît pas un autre compagnon qui faisait hada. Fa Ibn Umar, comme ta'lamoun min shiddat mahabbatihi lis-sunnah, kana yataharra dhalik al-awla ma fa'alahu Umar wa kibar as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Qal Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah va montrer hadi al-mas'ala, qal wa kadhalik Ibn Umar kana yataharra annahu yasir mawadhi' sayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. كان يتحرى أي الشيخ شريز اندروا كل بروفيت صلى الله عليه وسلم إلهي في كذا وكذا قال وينزل مواضع منزله أي مثلا بروفيت صلى الله عليه وسلم يسارته وعصر دون ست اندروا ابن عمر وعصر يسارته على ست اندروا قال ويتوضى في السفر حيث رآه يتوضى ابن عمر رضي الله عنه مثلا لبروفيت صلى الله عليه وسلم إلهي في الوضوء دون ست اندروا ابن عمر يفزي الوضوء دون ست اندروا إلى ستة دي شوز قال ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء إذا سأل القول الصحيح أن جمهور العلماء عامة الصحابة يفزب هذا بل النبي صلى الله عليه وسلم نوزا جامي كونسي أو نوزا جامي مونتخي تفير هذا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام قال كما لم يستحبه لم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر عثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه صحيح أبو بكر إلى جامع فعل عمر عثمان علي إلى آخره سويت خير اللغفة سأتمنى أن سأجتهد إن شاء الله إليه la récompense de son اجتهاد قال الشيخ ربي حفظه الله نقل كلام الإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه ما جاء في البدع سان كتاب نافع ما جاء في البدع السد آثار دو السلف في البدع سان كتاب نافع جدا lis kitab et tu vas comprendre la gravité de l'bid'a fi d-din. Lis kitab et tu vas comprendre la position de l'islam face à l'innovation. قال ابن وضاح رحمه الله وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحد. الآن ابن وضاح ينوز اكسبليك أن مالك ابن أنس الإمام السوق يتأكلوا في المدينة يدتست يكرهون اتيان تلك المساجد si le passage d'une salat à faire est fait, elle m'a allé visiter. Les mosquées qui ont une différence, c'est les mosquées que le prophète nous a montrées. Majid al-Haram, Majid al-Nabi, Majid al-Aqsa. 100 000 prières pour Majid al-Haram, si tu pries, ça équivaut à 100 000 prières. 1000 prières pour Majid al-Nabi et 500 prières pour Majid al-Aqsa. Il y a un dalil. Il y a un dalil. C'est bien d'aller prier dans cette mosquée à Mecca. Il n'y a aucun dalil. أو المدينة يا أكن دليل وتتعجب أن الناس يدلس الحرم مسجد الحرم في مكة أو المسجد النبوي يدلس alors que سنة nous montre 100 000 prières 1000 prières إلى آخره et tu le trouves il va dans le masjid loin il va dans le masjid loin ça c'est من أسباب الغلو الغلو سبب الهلاك le fait d'exagérer c'est ça qui a amené كثير من الناس à leur perte كثير من الناس إبليس هلك بغلوه لماذا il a fait du غلو في جنسه خلقتني من النار. Il a exagéré sa propre personne. Al-Yahoud, ils ont fait du relou. Al-Nasara, ils ont fait du relou. Fait Isa. Ils se sont égarés. Fanahnou, la yajouz. Le prophète sallam a dit Yakum wal relou. On ne fait pas d'exagération. On va à la Médina, on visite la mosquée du prophète sallam. Tu suis les gens. On va aller voir cette mosquée, on va aller voir. Ce n'est pas min sunnat Nabi sallam. Wa ta'ammal mawqif Malik yakrahoun. Yakrahoun. Qala ay ibn Wadhah. وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري الإمام قال دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به وقدم وكع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعدوا فعل سفيان إلى فكم سفيان سفيان اللي ابنه إلى في الصلاة با هكذا أئمة السلف لماذا لأن سفيان رضي الله عنه إلى تألفي بالسنة. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, il le fait. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de faire, abadan il approche. Amma al-hawa, on suit hakada ila akhira, la yajouz. La yajouz. Qal ibn Waddah, il a allaq, dès qu'il a cité ses athars, qal ibn Waddah, fa alaykum il ittiba. Li a'immat al-huda al-ma'roufin, faqad qala ba'du man madha, kam min amrin huwa al-yawm ma'rouf, inda kathir min al-nas, kana munkaran inda man madha. Ibn Waddah, il dit, suis haula. Les compagnons du prophète, ben avant, suis le prophète, suis les compagnons du prophète. A Imat Salaf, c'est eux qui ont compris le dîme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni. Fa le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a zeki. T'as pas le droit de dépasser les limites et là, je veux faire mieux qu'eux, ou comprendre ce qu'ils n'ont pas compris, ou faire ce qu'ils n'ont pas dit. Tu vas t'égarer, akhi. Qala azzawajal wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Y'a pas d'autre tariq, abadan. Si tu fais une autre chose, tu rajoutes. أو تغلب تتمغى في البدعة. تأمل قول ابن وضح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى الآن ابن وضح يتدسوي هؤلاء البخدسسور قال فقد قال من بعض من مضى أي يسيت لبغل دون بيخسون دون إبوك قال كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ست بيخسون يتدي كم من الأمور الآن يسون حسنة. Ils sont bien عند الناس, عند كثير من الناس. عند السلف, ils détestaient ces choses. Prends l'exemple de notre mas'ala. Al-an, بعض الناس, il ne comprend pas, tu lui dis, va pas à cette mosquée, مثلا, Medina. Il va dire, ياخي, je suis à Medina, ou à Mecca. Il ne comprend pas. Al-imam Malik, ou man ma'ah, yakrahoun ذلك. Al-salaf, ils détestaient cette chose. Akhtar al-nas, l'an, ils aiment bien. C'est quoi la différence? C'est que Malik, ou man ma'ah, ils étaient à l'ilm. Amma, aujourd'hui, akhtar al-nas, ils sont à l'adjahl. C'est ça la différence. Qala. كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه وكل بدعة عليها زينة وبهجة صحيح إذ كم من الناس الآن ils ont mélangé بدعة c'est devenu سنة سنة c'est devenu بدعة et ils te mettent en garde ils te disent attention بدعة toujours elle est embellie. Pourquoi dans la vie كثير من الناس ils font des بدعة من المسلمين et ils font pas de certaines معاصي pourquoi? لأن البدعة سبب اسم الدين. La naissance du prophète, maintenant je la fête parce que j'aime le Nabi عليه الصلاة والسلام. انظر l'embellissement. J'aime le prophète عليه الصلاة والسلام. C'est pas comme boire de l'alcool. Chaque musulman sait que c'est haram. Même ceux qui boivent, ils savent que c'est haram. أما مثلا le mawlid, ou ces bid'as qu'on cite l'un, lui pour lui c'est bi'is mahabbat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention aux bid'as. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, il a informé anna Iblis, il a désespéré avec le muslim, lianna chaque fois qu'il fait un péché, il fait tawba. Lakin adou Allah, il a trouvé un bab, un bid'ah. Il pousse le muslim vers le bid'ah. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la tawba li mubtaja, hatta yada bid'ata. Si je vous pose la question, antum limada, c'est quoi la différence entre les deux cas? Ahsan, c'est pour ça qu'il ne fait pas? Il ne fait pas de tawba. Comment tu veux un ta, une personne, il fait tawba, une chose pour lui, c'est min adam al qurubat. Il ne peut pas faire tawba. Illa si Allah il le waffaq. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la tawba li mubtaja. Le mubtaja, il n'a pas de tawba. Les ulama, ils ont expliqué, ay, la yuwaffaq li tawba. Il aura du mal à faire tawba. Lianna, cette bid'a, cette ma'asiyya, c'est bi ismi d'din. Ça vous montre la gravité de la bid'a. Wa qala Zainuddin, mar'i ibn Yusuf al-Karami, rahimahullah, في كتابه شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور قال محمد بن وضح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قبى وأحد ودخل سفيان بيت المقدس إلى آخره ذكر نفس الآثار ثم قال أي زين الدين الكرمي رحمه الله في كتابه شفاء الصدور وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسائر السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين إجمع الصحابة تس قال يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي عليه الصلاة والسلام أن تتأمل la génération du prophète صلى الله عليه وسلم ceux qui sont venus après سعيد بن المسيب إلى آخر ceux qui sont venus après l'imam Malik ou Aman Ma'a. Tout cela, ils voyagent de Medina à Mecca, personne ne fait ce qu'ils font Ba'd al-Nas aujourd'hui. Ils vont dans des grottes, ils vont dans des endroits, Masjid Fulan, Abadan. Il fait sa route et il fait salat, dès que l'heure elle vient, l'endroit où il est, il fait salat. Quand il y a le fi'l ibn Umar, on a dit ibn Umar, il a fait un ijtihad. Wala yu'lam an ghayr ibn Umar, hada. Et lui, c'est un imam, mujtahid. Il a un ajr, radiyallahu an. Thumma, on conclut. Qala, al-Sheikh Rabi Hafidahullah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمسألة الثالثة أن لا تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن طريقه إليها أو يسافر إليها سفرا طويلا لا بد أن تجد ديفيرونسي tu peux maintenant un jour فأنت tu te retrouves dans cet endroit et il y a salat tu dois faire salat il y a une différence entre toi et celui qui a voyagé il y a une différence أنت tu fais salat أما هو celui qui croit que c'est meilleur هذا il est tombé dans le bid'a فتu es obligé de différencier les deux cas. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les personnes que tu vois maintenant dans ce masjid, ils ont fait le bid'ah. Non. Thumma dakara kalam ay par rapport au jibal ila akhirah. Nous ce qui nous intéresse c'est Hira, lianna on l'avait cité dans Risala. Qala thumma tahaddatha an Hira wa maji Jibril bil wahy ilayhi thumma qala rahimahullah. Ça va être la parole sur l'islam de Taymiyyah. Et nous c'est ce qui nous intéresse. Vous rappelez dans la biographie anna Jibril il est venu voir le prophète alayhi salatu salam fi Hira. Une grotte في مكة قال فتحنثه وتعبده التحنث العبادة قال وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث فهذا مهم أن on avait expliqué نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم le fait qu'il se recueille qu'il adorait Allah سبحانه وتعالى حراء c'est avant la révélation ça c'est important c'est important comme il va montrer sur l'islam قال تفضل قال كان قبل المبعث ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه أقام بمكة بضع عشر سنة الآن après la révélation le prophète صلى الله عليه وسلم il est resté à Mecca 10 ans est-ce qu'on a un délil que après la révélation dès qu'il a commencé à faire da'wa il est retourné à Hira abadan ça te montre qu'on a allé là-bas c'est pas مشروع dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم dès qu'il a reçu la révélation il n'allait plus là-bas. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça serait bien, il nous aurait dit. Il nous aurait dit, celui qui va à Hira, il attend comme récompense. Il a... Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été. Après la révélation. Qala aqama bi Makkah bi 10 sana. Huwa wa man amana bihi min al-muhajirin al-awwalin alladhina hum afdal al-khalq. Wa lam yadhhab huwa wa la ahad min as-sahaba ila Hira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la révélation, il n'est jamais retourné dans la grotte. Ni ses compagnons, abad. Qala thumma hajara ila al-madina wa atamara 4 umar. Ça c'est Mohim. Ça c'est mouhim. Le Nabi sallam il a fait l'hijra. Quatre fois il est retourné à Mecca. Qala Umrat al-Hudaybiyya. Il a akhiri, il explique Umrat al-Hudaybiyya, nous on passe. Qala thumma innahu i'tamara min al-aam al-qabil Umrat al-Qadiyya, Umrat al-Qada. Qala wa dakhala Mecca. Il a akhiri. Il cite les quatre Umrah. Le Nabi sallam il est jamais retourné à Hira. Abadan. Quand il est parti à Hira, il n'avait pas la révélation. Il voulait s'écarter de son qawm, ils adoraient des statues. Il a trouvé cet endroit, il a adoré Allah. Enfin, pourquoi un tailleur al-Muslim, tu vas là-bas? C'est ça la question qu'on se pose, nous, l'an. Pourquoi? C'est une perte de temps. Et c'est un sabab de relou. La personne, il peut exagérer. La grotte, il croit que les pierres, yakada. Des bida, ils écrivent sur les murs, ba'adonnas, kada. Tout ça, là, asla, là. Mais dites bien, t'as déjà vu? علماء السنة هناك أبدا صلى الله الثبات هذا الذي أردنا هذا exactement c'est du tourisme صحيح لأن أولا تشبه بالكفار تعلمون أن الكفار ils font des expéditions des mois ils cherchent des squelettes صلى الله العافية عندنا c'est les animaux qui cherchent des squelettes qu'est-ce que je veux faire avec un squelette on t'emmène 20 squelettes. Elle est où la faïda? T'as gagné quoi dans ton dîme? Kadalik, le ilm c'est trop lourd, ya jama'a. Tu crois que c'est tout le monde, Allah yuwaffaq le masjid livre après livre? C'est lourd. Ceux qui patientent, bi'idnillah, ils seront à la khay. Amma, comme a dit du tourisme. Al-hadar, al-hadar. Notre dîme, il n'y a pas hada. Notre dîme, il n'y a pas. Je recherche des squelettes, des anciennes constructions, des anciennes mosquées. Il n'y a pas ça, notre dîme. Notre dîme, c'est apprends ton dîme, fa'alam, annahu la ilaha illallah, et والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا سسال علم وعملوا الصالحات لزبا سسا أما على خشش كذا كذا كذا tout ça c'est des chemins tu pourras t'égarer والعياذ بالله نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك et demain on continue le kitab. Un frère avec une cassette en da'i. Il y a un da'i de l'Qa'ida. Il fait da'wa. Il appelle les gens au jihad, il a fait les sauver les gens d'un mage et tout. Ah, là, là. Non. Et est-ce qu'on peut écouter à là, là, là? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Cette personne, s'il est là, il faut le conseiller. Taqillah, il n'a pas le droit d'écouter à l'al-bida'. Il ne faut pas suivre le hawa. علماء السنة إذا قال لي يكفي أما هؤلاء لا هؤلاء إذن قصد هؤلاء إذن قصد هو même s'il veut venir ou là il encourage les gens c'est pas pour propager السنة أبدا il voudrait propager السنة il sait comment faire il sait que طريقة العلم إلى آخره فهؤلاء يكمبتوا علماء السنة ليل نهار لكن eux ce qu'ils veulent c'est regardez nous on fait le jihad demain aussi ils font le jihad فهو c'est ce qu'il veut لبس les gens comme ça toi demain si tu lui dis ce que vous faites c'est pas un jihad il dit puis demain هذا فيبخن الآن دماج كثير من التكفيريين الخوارج القاعدة يبخن دماج جهاد pourquoi vous avez jamais parlé de دماج avant ça c'est le هوا دماج أسست على العلم دماج elle a été fondée sur العلم الشيخ مقبل رحمه الله il a fondé le marquise sur العلم et دماج leur principal but c'est propager العلم الله سبحانه وتعالى il a éprouvé le marquise ces derniers temps avec هؤلاء الخباتة الروافد الزنادقة. Ils ont attaqué le marquez. Là, chaque les tollab, ils sont obligés de se défendre. Jihad al-Daf. Et après, à la suite, ulama al-Sunnah, ils ont fait des fatwas, aidez vos frères, ila akhiré. Hada tayyib, on aide la da'wa, ila akhiré. Amar khawarij, eux, demain, il va avoir une autre chose, ils diront le contraire. Enfin, la yajouz, la personne, il écoute haoula. La yajouz. Anta tu l'on sa'a, dis-lui taqillah. Awalan, as-salaf, ils n'écoutent pas ahl al-bida'. Pourquoi t'écoutes ahl al-bida'? Deuxièmement, pourquoi t'écoutes? T'as des doutes? Troisièmement, c'est Allah Yahdi. Notre wala et notre bara, il est le haq, il n'est pas les dammaj. Nous, dammaj, on l'aime et on la défend et on t'lobe l'ilmouna parce que c'est le haq. Amma, il y a une erreur ou kada, abadan nata assab. Ou mon petit, il a parlé de dammaj, khalas, il est bien. Une personne bien, il s'est trompé et il est mauvais. Ah, c'est quoi ce dit? Celui qui parle bien de dammaj, si c'est un sunni, jazallah khair. Si c'est un mubtadi', c'est Allah Yahdi. Et si c'est un mubtadi', i'lam anna al-jarh wa al-ta'dil qui sort de dammaj, ils n'aiment pas. Enfin, il a pris le jihad, ils ont des choses. Et on met en garde contre Khawarij, min qabl ou min ba'd. Enfin, il faut faire attention, on a fait les fitaines, ça se mélange les choses. Ça se mélange. Faut pas suivre le hawa. Ma'a tahiyati dammaj affaire.com.